reflète la clarté d'un abat-jour usé, de garder de l'obscurité tout ce décor qui est de guillemets et familier. À 16 ans, une photo passée, cheveux blancs, chemisette d'été, assis près d'un piano, aux notes jaunes et patinées, parmi le doigt qui s'en repose, le matelas. D'avoir voulu se